Josué, chapitre 15. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tsin, et montait au midi de Kadès-Barnéa. Elle passait de là par Hetzron, montait vers Adar, et tournait à Karkar. Elle passait ensuite par Atzmon, et continuait jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba, et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelque distance de la vallée d'Akor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En Shemesh, et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftoar, continuait vers les villes de la montagne d'Éphron et se prolongeait par Baala, qui est Kirjat-Jéharim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jéharim à Kézalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Chicron, passait par la montagne de Baala, et se prolongeait jusqu'à Jabnil, pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Shéfer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Shéfer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kaptsil, Éder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatsor, Itnan, Zif, Telem, Béalot, Hatsor Adata, Kerijot Etzron, qui est Hatsor, Amam, Shema, Molada, Hatsar Gada, Eshmon, Beth Palet, Hatsar Shual, Be'er Sheba, Bijotnja, Baala, Ijim, Hatsem, El Tolad, Kézil, Orma, Tsiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsorea, Ashna, Tzanoar, Enganim, Tapuar, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaharaim, Aditaim, Gedera et Gederotaim, 14 villes et leurs villages. Tsenan, Adasha, Migdalgad, Dilean, Mitzpé, Joktil, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lakmas, Kitlish, Guédéroth, Beth-Dagon, Naama et Makeda. 16 villes et leurs villages. Libna, Éther, Ashan, Jiftar, Ashna, Netzib, Keila, Akzib et Marécha. 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron et à l'occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, qui est Débir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Duma, Échéan, Janum, Beth-Tapuar, Afeka, Umta, Kirjatarba, qui est Hébron, et Tsior. 9 villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Dzif, Juta, Jizréel, Jogdéam, Tzanoar, Caïn, Gibéa et Timna. 10 villes et leurs villages. Alul, Bethsur, Guédor, Maharat, Beth-Anot et Eltekon, 6 villes et leurs villages. Kirjat-Baal, qui est Kirjat-Jéharim, et Rabba, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth-Araba, Midin, Sekaka, Nipshan, Ir-Amelar et Engedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.